Yeah. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je me meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est en plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je me meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est plein de rancœur. Ah, j'en ai marre, je ne supporte plus la vie. Ces moments de tristesse me détruisent et mon cœur se fait charcler par la peine. Mon âme pleure car elle se fait avoir par la haine. Papa, maman et la MIFA, je vous demande pardon pour mes écarts, quels qu'ils soient. Je m'en veux de vous décevoir, même si je suis 24/24, j'essaie d'être le roi. Mes notes vous déplaisent car je ne suis pas travailleur. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je fais de mon mieux, mais je vis dans ma rancœur. Mon cœur est si charclé par la peine que mes yeux pleurent sans cesse. Il pleure le bonheur qui est loin de la tête. Merde, je n'en peux plus, sortez-moi de cet enfer avant que dans la haine je me perde. Chaque jour qui passe, mon cœur pleure de plus en plus. Mes larmes sont l'épreuve de ma tristesse. Mais ne vous inquiétez pas, je me referai. Même si plus le temps passe, plus la vie est dure. Quoi qu'il arrive, restez fort. J'y arriverai bien un jour, ne vous en faites pas. Ne croyez pas que l'espoir est mort, car il est en vie, mais vous ne le voyez pas. Je vois bien pleurer dans mon dos. Arrêtez, je vous en prie, ce n'est pas la solution. Pleurer n'arrangera pas les choses, car les larmes font qu'empirer la situation. Aujourd'hui, mon cœur, danger mort, il a perdu son âme et ses ailes ont quitté son corps. Aidez-moi. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je meurs et je pleure. Mon cœur est en peine et plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je me meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est en plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je me meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est en plein de rancœur. J'aimerais vivre en HD pour qu'enfin mon cœur puisse vivre heureux. Que je puisse soigner les blessures de ce cœur si charclé. Qu'il puisse battre des ailes vers les cieux. Aidez-moi à renaître de mes cendres, car sinon en enfer je finirai par descendre. Jamais je ne remonterai, car en bas trop haute est la paix. J'en ai marre de vivre derrière ma rancœur. Elle me tue à petit feu, je ne peux rien y faire. Aidez-moi à trouver le chemin qui mène au bonheur, pour qu'enfin je puisse sortir de mon enfer. On sait tous qu'un beau jour on doit mourir, mais moi je sais qu'au fond de moi je suis déjà mort. Putain, j'aimerais tant pouvoir vivre sans ennui. Malheureusement le malheur me guette sans remords. Je ne sais plus quoi faire pour me sortir de la merde. Je me perds dans ma peine et mon âme se fait rattraper par la haine. J'en peux plus de cette ambiance macabre. J'ai l'impression que sur moi le sort s'acharne. Mon cœur se perd dans ma haine. Aidez-moi à revivre la joie. Je ne sais plus quoi faire pour sortir de cet enfer. J'aimerais tant que mon cœur soit de nouveau en émoi. Mais ce n'est pas en vivant avec le diable que je vivrai au paradis des anges. Quand j'y pense, le diable c'est moi, et l'ange agonise dans un bain de sang. Ce pauvre ange l'a plus d'aile et son pouls est instable. Aidez-moi à faire repousser ses ailes pour que cet ange puisse faire fuir ma peine. Que je puisse revivre en paix. Et tout ça loin de la peine. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je me meurs et je pleure. Mon cœur est en peine et plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est en plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je me meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est plein de rancœur. Je me perds, je me noie dans cette vie de merde. Aidez-moi à sortir de cet enfer. Je n'en peux plus, je meurs et je pleure. Mon cœur est en peine, est en plein de rancœur. Mon cœur est en peine, est en plein de rancœur. Je n'en peux plus, je meurs et je pleure. Sortez-moi de cet enfer. Aidez-moi à revivre, loin de la haine. Non à l'enfer. Non à la peine. Oui à la joie. Oui au bonheur d'être en émoi. Faites-nous revivre la paix. Tout ça loin de la haine et de la peine. aidez-moi à faire repousser mes ailes, que mon ange puisse faire fuir ma peine, que je puisse revivre en paix, tout ça loin de la peine. Mes paroles sont touchantes, normales, elles viennent de mon cœur. C'est pour ça que je chante, pour faire fuir ma rancœur.